sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, des insectes et des hommes, une série de Juliette Boutillier réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a un mélange de fascination, de dégoût et de curiosité pour ce monde parallèle et grouillant qui passionne les chercheurs mais aussi les artistes, voire les cuisiniers. Alors pour commencer, les personnages. Une entomologiste en mission, un cuisinier audacieux, un artiste qui fantasme, une chercheuse qui couve les cigales, un audio-naturaliste aux anges et des observateurs engagés. Ensuite, le décor. Des araignées, des blattes, des milliards de vers, un repas, des métamorphoses, des bourdonnements, des sculptures, un jardin alpin, des carapaces, la garrigue, des lames, le jardin des plantes, des techniques de vol et l'intelligence. Aujourd'hui, deuxième épisode, on apprivoise une fourmi. Quand j'étais toute petite, c'était souvent ma grand-mère qui me gardait. Adeline Soulier. Et un jour, j'adorais regarder les fourmis, comment elles bougeaient dans la végétation. Et j'en avais récupéré une qui devait être en fait un peu en fin de vie parce qu'elle ne bougeait pas beaucoup. Et moi, je pouvais la garder dans la main. Et j'adorais cette fourmi, mais j'avais apprivoisé. Et j'ai été très chagrinée le jour où ma grand-mère l'a jetée. Des insectes et des hommes, de la faculté à s'émerveiller, de la collection à l'envol. Et j'ai dit, elle a jeté ma fourmi apprivoisée. Je devais avoir 3-4 ans. C'est mon plus vieil souvenir affectif en entomologie. My father and my mother, Yann Fabre. Put me sometimes in the basement. Mes parents avaient l'habitude de m'envoyer à la cave pour me punir. Il y avait beaucoup d'araignées. C'est ici que j'ai monté mon premier théâtre d'araignées. J'ai été fasciné par la façon dont elles bougeaient, se déplaçaient. Fasciné par la mécanique de la vie. Quand on se couche dans l'herbe, on ressent en fait qu'il y a une énergie sous nous. Boris van der Avoort. Et quand j'ai appris dans mes lectures entomologiques que dans 1 mètre carré de prairie, en dessous de nous, il y avait 1 million d'insectes, les vers sont souvent des larves et les larves deviennent des insectes. Ça a ouvert complètement mon imaginaire. Quand j'étais ado, Grégoire Loïs, j'avais un élevage de blattes tropicales, des grosses blattes comme ça, là. Vraiment balèzes. Hein. Ça fait entre 6 et 8 cm, ça fait des parades nuptiales, les larves sont rigolotes, il y a des petits trilobites et tout, c'est mignon. Et ma copine qui dormait de temps en temps à la maison, elle avait retrouvé une dans son jean. Je suis encore avec elle, hein, c'est ma femme. En fait, quand j'étais gamin, je passais mes vacances sud de Grenoble, il y a un petit bassin houillé. Olivier Bétou. Les déchets, les stériles de la mine servaient à couvrir des chemins de montagne. Donc avec des cousins, l'été, deux cousins que j'embarquais, on avait trouvé un petit coin sympa où on cassait nos cailloux avec des outils qui n'étaient pas du tout adaptés. Je prenais le marteau de mon grand-père, des ciseaux qui pesaient une tonne et on cassait nos cailloux. On ramenait nos petites fougères quand on avait eu de la chance, quand on avait trouvé quelque chose, des petits regatons de fougères. Et puis un jour, j'ai trouvé une aile de, alors je vais dire blatte. Il y a 2 ans, avec mes petits-neveux, on est tous partis avec des filets à papillons et on s'est amusé à attraper des sauterelles. On n'en a pas ramené beaucoup, je vous rassure. Laurent Veillet. Mais on s'est régalé parce qu'on les a fait cuire. Je trouvais que ça avait un petit goût de crevette. It's my first laboratory. C'est mon premier laboratoire. And I was sitting inside. Et je m'asseyais à l'intérieur. So I cut it, I digged out, for example, worms. Et déterrais des vers, par exemple. Je prenais des ailes de moustiques ou de mouches et les mettais sur le corps d'un ver. Je créais comme une sorte de nouvelle métamorphose, de nouvelle transformation. J'étais comme une sorte de jeune Dr. Frankenstein. Mon père faisait des collections d'insectes. Anne Dosière. Il les attrapait, il les tuait, il les mettait dans des boîtes. Et ça me rendait à la fois triste et en même temps, ça m'a donné envie. On attrapait dans des petites boîtes et on les relâchait ensemble. Mon oncle venait et il me disait, tu connais Jean-Henri Fabre, c'est probablement un membre de la famille. Voilà quelques-uns de ses livres, quelques-unes de ses lettres officielles, de ses manuscrits. C'était tout d'abord un grand dessinateur, mais aussi un grand écrivain de prose. Il m'a beaucoup inspiré. Mais on ne sait pas si vous êtes vraiment de sa famille ou pas. Cela m'importe peu qu'il soit de ma famille ou non. C'était avant tout un grand entomologiste. C'était un homme qui philosophait sur les petites bêtes ailées, les lucilies, les mouches bleues de la viande, les volucelles, les sarcophages, et leur capacité à expurger la terre des souillures de la mort et faire rentrer dans les trésors de la vie la matière animale défunte. un homme qui méditait sur le rythme des saisons et les cycles des disparitions, qui explorait les sols de sa maison dans un petit village provençal situé non loin d'Orange, où il exhumait ses propres trésors, des corps d'oiseaux en décomposition, des conduites, des goûts fétides, des nids d'abeilles démolis, refuge secret de l'alchimie naturelle. Vous cherchez l'entomologie? Oui, on cherche le 43. Non, c'est le 45. Vous cherchez Adeline Soulier? Oui. C'est moi. Vous risquez d'avoir des modifications dans le son, hein, avec le masque. Déjà que ce n'est pas toujours très clair ce que je raconte, ça va être encore pire que d'habitude. Je me souviendrai toujours d'une des premières missions que j'ai faites en Asie du Sud-Est, où un soir, souvent, quand tu fais des pièges lumineux sur un grand drap blanc où il y a plein d'insectes qui viennent se poser, il y a les villageois qui viennent voir ce que l'on fait. Et un jour, il y a un villageois qui était là en train de regarder ce que j'ai, puis il me dit « ça vous embête pas si je prends cette soleil ?» Puis il me montre une grosse cigale. Je lui dis bah, « oui, allez-y ». Puis sur ce, il attrape la cigale, crac, il arrache les ailes, hop, il la met dans la bouche et j'entends crunch, crunch, crunch. Et la cigale qui faisait en même temps. Je me suis dit, vraiment, on n'a pas le même contact avec les insectes. Et vous voyez une cigale appétissante sur le drap. Moi, je voyais que les bêtes qu'il fallait que je mette en collection pour les étudier. Et puis après, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui viennent voir ce qu'on fait et qui sont dégoûtés par tous ces insectes qui sont posés sur le drap blanc, quoi. Donc, c'est rigolo. J'ai réadapté une recette thaï, mais avec des insectes qui viennent de France. Donc les vers de farine toulousains. Ici, vous êtes dans le restaurant Innovite. On propose une cuisine à base d'insectes. Mais en Europe, on n'est pas encore très adepte de ce genre d'aliments. Et donc moi, je suis le chef et je m'appelle Laurent Veillet. Alors là, je lis la description. Galette de riz au grillon, déclinaison de légumes frais du marché, insectes croustillants et purée de patates douces aux épices. Oui, parce que je mets des insectes dans la galette, mais on ne les voit pas dans la galette. Du coup, j'en rajoute, je parsème tout autour de petits insectes par-dessus qui sont séchés, d'où le terme croustillant. Mais il y en a en plus qui sont cachés. Enfouis et enchâssés dans le paysage de mes 6 ans, une rencontre animale bouleverse mon enfance. À l'époque, je pratique chaque arbre, chaque trou, chaque bosse du jardin. J'arpente son périmètre et rien ne me trouble. Jusqu'au jour où un papillon se pose à côté de moi. Ce jour-là, je décide d'approcher mon visage de la bête. J'aperçois nettement sa tête globuleuse, son front élargi, sa bouche semblable à un sourire au milieu d'un visage humain et flanqué d'une trompe d'éléphant. Ses grands yeux de côté me regardent. Je vois le monstre. Je vois le semblable. Cette contemplation d'un minuscule devient majuscule. Je hurle d'effroi. Je prends conscience de l'existence d'un autre monde. En moins d'une minute, l'insecte passe de créature volante esthétique abstraite à un animal aussi vivant et véritable que mon bestiaire familier. Par fidélité à cette énigme enfantine, j'ai envie aujourd'hui d'arpenter les couloirs du muséum d'histoire naturelle, de sonder les collections, de questionner la tribu entomologiste et les artistes comme Yann Fabre, lui aussi fasciné par les insectes et qui s'en inspire. J'ai vu que des fois, vos sculptures étaient attaquées. J'ai eu quelques soucis dans les années 90. Mes premières sculptures étaient entièrement faites à partir d'insectes entiers. Par exemple, une fois, à la Biennale de Venise, les sculptures sont arrivées. Ils les ont laissées à l'extérieur avant de les rentrer dans le musée. Et ce qui s'est probablement produit, c'est qu'en un rien de temps, de petites mouches ont dû pondre des œufs à l'intérieur. C'était une situation très comique, parce que c'était la reine de Belgique et la reine des Pays-Bas qui inauguraient l'événement. Et soudain, mes sculptures grouillaient de mouches. Mais aujourd'hui, heureusement, on en connaît beaucoup plus sur les techniques de conservation, sur la restauration des œuvres. Aujourd'hui, tous les musées dans lesquels sont exposées mes œuvres savent quoi faire. Ils savent comment s'y prendre. Et c'était une belle performance faite oui. Par les mouches. Cela a beaucoup fait rire la reine de Belgique. Elle a beaucoup aimé. Donc les collections sont par là, je vais vous ouvrir. Ça à quoi cette LED là-bas? C'est pour capturer et détruire les insectes qui sont des prédateurs des insectes qui sont en collection. Le plus gros danger pour les collections d'entomologie, ce sont soit des champignons, ce qui n'est pas un gros problème ici parce qu'on est en Europe et que l'humidité n'est pas très élevée, mais les plus gros prédateurs, ce sont d'autres insectes qui viennent, qui vont pondre dans les insectes et qui vont se développer en les grignotant. On peut juste retrouver juste les épingles dans les boîtes et puis une petite poudre noire au fond de la boîte qui sont les résidus qui restent de la bête. Jean-Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je regarde. Donc, dans votre assiette, en fait, il y a les insectes qu'on voit, que j'ai mis sur le dessus, mais il y a aussi les insectes qu'on ne voit pas dans le sablé. Même moi, la première fois que j'ai vu des insectes, j'avais eu un petit peu une réaction distante par rapport à ça. J'avais pas envie de les goûter. C'est bien culturel. Et aussi par manque d'habitude. Il y a un petit goût de... Alors en plus, ça a un pouvoir rassasiant. Vu que c'est riche en protéines, vous avez l'impression que vous avez beaucoup mangé sans avoir vraiment beaucoup mangé. Et en plus, c'est très digeste. Voilà. Mais il y a toujours quelque chose qui croque un peu. Mais les insectes, c'est visuel. Ça apporte de la texture. Ça passe bien avec des petites fleurs, des herbes. Finalement, c'est dans son environnement, presque, on pourrait dire. J'ai l'impression que vous êtes resté très fidèle à cette obsession d'insectes. Comment, après, en tant qu'adulte, comment il y a un passage entre Fabre, Jean-Henri Fabre, le petit garçon, les insectes? J'étais aussi un étudiant de l'Académie des Beaux-Arts à Anvers. Et bien évidemment, j'étudiais l'histoire de l'art. Et donc, lorsque vous vous intéressez aux maîtres flamands, aux grands tableaux flamands, mais aussi aux grands tableaux italiens, espagnols, vous y trouvez différents insectes. Ils ont chacun une signification particulière. On sait que le papillon représente l'âme, l'esprit. Le scarabée, lui, dans beaucoup de tableaux, est le pont entre la vie et la mort. La mort est représentée comme un champ d'énergie positive, comme étant un cycle de la vie. Ensuite, au début des années 90, comme vous avez sûrement pu le voir dans mon studio, j'ai commencé à travailler avec des vrais scarabées parce que maintenant j'avais l'argent pour en acheter. J'ai commencé à travailler avec les carapaces, le squelette extérieur des scarabées avec lesquels j'ai réalisé beaucoup de mes œuvres. Par exemple, mon travail au Palais Royal à Bruxelles a été réalisé à partir de pas loin d'1 200 000 carapaces et squelettes, ce que j'appelle l'armure, provenant de scarabées bijoux. Et j'ai travaillé à partir de ces squelettes presque comme s'il s'agissait d'une mosaïque. Comme avec les dessins, il s'agit de peindre à la lumière. Donc voilà les collections dont je suis responsable, les hémiptères. À peu près 1 million de têtes d'épingles, rien que dans cette section-là. Les collections nationales, c'est 67-68 millions de spécimens au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et en fait, les collections d'insectes représentent à peu près 45 millions de spécimens, ici à Paris. C'est des belles collections. Je m'appelle Adeline Soulier, je suis maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Je travaille sur les insectes, en particulier sur les hémiptères, les lophopidés, qui est une famille d'hémiptères, et sur les cercopidés, qui est aussi une autre famille d'hémiptères. Je suis entomologiste et systématicienne. J'ai grandi dans la garrigue et les insectes pour moi c'était quelque chose de familier. Et puis au fur et à mesure que mes études ont avancé, l'idée c'était de travailler sur les insectes, mais je ne savais pas encore sur quel groupe. Il y avait les hyménoptères qui m'intéressaient beaucoup parce qu'il y a des comportements sociaux très intéressants. Il y en a beaucoup qui sont impliqués aussi en plus de ça dans de l'aide à l'homme avec la pollinisation. Tout ça m'intéressait beaucoup. Et puis finalement, au cours de mes études, j'ai rencontré différents scientifiques et entre autres la personne qui m'a proposé un sujet de thèse qui travaillait déjà sur les hémiptères et m'a proposé un sujet sur ce groupe là. Je me suis dit pourquoi pas, et une fois que j'ai eu commencé ma thèse sur ce groupe, je ne l'ai jamais plus quitté. C'est devenu définitivement le plus intéressant, hémiptères et rien d'autre. est le plus emblématique, le mieux connu, c'est la cigale. Insectophonie. Audiorama de Fernand Roussen. Le monde des insectes est vaste. Avec plus +1 300 000 espèces décrites par la science, ils sont présents sur Terre depuis plus de 400 millions d'années. Commençons par les plus connues de nos régions méridionales, les cigales. Contrairement aux autres insectes dont l'évolution a simplement transformé une partie du corps, comme les pattes, les ailes ou les élytres, les cigales ont développé un instrument unique dédié au chant, les cymbales. On dit alors qu'elles cymbalisent. Les hémiptères, comment on les reconnaît au premier coup d'œil? C'est que au niveau de la tête, à la place de ce que on voit une bouche avec des mandibules, eh bien là, il va y avoir une modification de cet appareil buccal pour le transformer en quelque chose qui ressemble à une paille. La plus connue est sans conteste la cigale grise, appelée en Provence cacan, à cause de son rythme saccadé qui, tout l'été, de juin à septembre, anime le jour. Et cette paille va leur permettre de piquer des plantes ou piquer d'autres animaux pour absorber les sucs, soit de ces plantes, soit de ces autres animaux. Ce n'est qu'une des 20 espèces de cigales présentes en France, Corse incluse, avec 3 espèces endémiques. La plus grande est la cigale commune, dont le chant monte en rythme dans une phrase bien caractéristique. Oui, donc je suis Fernand de Roussen, audio-naturaliste. Pendant le silence des hommes, là, c'était incroyable. J'arrivais pas à acheter de la matière, tellement le vent était beau, les oiseaux étaient magnifiques, les choruses, alors ça, c'était il y a longtemps que j'avais pas entendu des choruses comme ça. Combien de temps reste-t-il à vivre à la mouche confinée dans ma maison? Selon l'espèce, une fourmi vivra de quelques mois à plusieurs dizaines d'années. Le puceron profitera de ses 18 jours d'existence s'il ne se fait pas manger par sa prédatrice, la coccinelle qui décède au bout d'1 an. Une éternité temporelle pour l'éphémère qui ne vit que quelques heures à partir du moment où il est sorti de ses 3 années de temps larvaire. Durant sa courte vie, il ne fait que voler et se reproduire en plein vol. Ses ailes ne peuvent pas se rabattre. C'est le plus vieux insecte ailé apparu du monde, encore vivant, dans sa catégorie d'il y a environ 350 millions d'années. À la fin du Trias, 250 millions d'années, il y a tous les insectes modernes à peu près, sauf les poules, les puces, car il leur faudra des poils et des plumes pour s'accrocher. Au Crétacé, moins 145 millions d'années à moins 65 millions d'années, avec la diversification de la flore, les insectes sociaux apparaissent. La chute de la météorite géante n'affectera en rien les insectes. Ce sont les familles qui subsistent jusqu'à aujourd'hui. Alors, la durée de vie d'une mouche, qu'elle me paraisse courte ou longue, est à l'échelle de la mouche une vie entière. Yann Fabre, artiste belge, dessinateur, sculpteur, chorégraphe et metteur en scène. Je pense qu'une grande partie de mon travail part de l'idée de l'état post-mortem de la vie, car j'ai moi-même été 2 fois dans le coma dans ma vie. Alors je sais ce que c'est de vivre dans le temps impromptu. C'est une partie importante de mon œuvre. Les travaux que vous avez vus dans mon studio ou au Palais Royal, on sait que, et c'est là la beauté de la chose, c'est la chitine. C'est l'un des plus anciens matériaux utilisés au monde et l'un des plus légers, et c'est composé de dizaines de milliers de petits éléments. Et c'est la raison pour laquelle cela crée une sorte de prisme. Lorsque vous marchez, lorsque vous regardez le plafond au-dessus de vous, il paraît bleu, puis orange, puis verdâtre, doré. Cela change constamment. Ça, c'est un dorcadion, donc ça, c'est plutôt un son de détresse. Hein. Il est saisi par un oiseau, hop, il se débarre, enfin, avec la chitine, il fait ce bruit particulier. When you working as a director, a metteur en scène ou un chorégraphe, also very important in my oeuvre, I'm a consilience artist. Lorsque je travaille en tant que metteur en scène ou chorégraphe, ça aussi c'est très important dans mon œuvre, je suis un artiste conciliant. La conciliation donne libre cours à de nouvelles interprétations. Par exemple, pour faire simple, lorsque l'on étudie l'entomologie et que l'on étudie l'intelligence des insectes, la manière dont ils appréhendent l'espace, et que vous comparez cela avec les humains, vous pouvez trouver des liens et tous ces liens peuvent vous donner de nouvelles interprétations. C'est cela que l'on appelle la conciliation. Par exemple, lorsque je prépare une mise en scène et que je prépare la topographie de ma scène centrale, c'est souvent basé sur le territoire des insectes. Par exemple, en ce qui concerne la chorégraphie, parce que j'ai beaucoup étudié les insectes et les animaux, j'utilise beaucoup de mouvements empruntés aux insectes afin de développer un nouveau langage en danse. Les acteurs et danseurs sont entraînés en tant que performeurs contemporains. Ils sont autrement dit initiés à devenir des artistes conciliants. Vous maîtrisez tout cet étage là? Chez les hémiptères, je serais capable de descendre dans les grands groupes. Voilà, les caractéristiques de la famille des fulguridés ou des caractéristiques des delphacidés. Mais après, moi-même, je me suis spécialisée que sur quelques groupes au sein de ces hémiptères. Donc ici, vous pouvez voir sur les étagères des boîtes et des boîtes. Alors là, c'est impressionnant par leur petitesse. Oh. On a plus l'impression qu'on a une collection d'étiquettes. Plus que d'insectes, parce que les insectes sont vraiment tout petits et ils sont collés sur ce que l'on appelle une paillette. C'est un petit triangle en carton sur lequel on met une petite goutte de glu pour coller l'insecte. Et en fait, on n'épingle pas l'insecte dans la collection, mais on épingle le petit bout de carton. Et dessous, on va imprimer la provenance de cet insecte, qui l'a récolté, comment il l'a récolté, la localité, le pays. Si on connaît les plantes sur lesquelles ils se nourrissent, c'est une information qui peut être intéressante. Parce qu'on s'aperçoit qu'au cours de l'évolution, les insectes dits phytophages, donc qui se nourrissent sur des plantes, ils se nourrissaient sur certaines plantes et au cours de l'évolution, ils ont pu changer. Alors en ce moment, par exemple, il y en a un qui nous préoccupe sur les oliviers en Italie et on suspecte très fortement un hémiptère. Il est peut-être le transporteur de la maladie et c'est lui qui donc transmet d'un olivier à un autre les bactéries qui fait des ravages. J'ai l'impression d'un véritable thriller biologique, écologique. Oui, effectivement. Mon métier en fait se découpe en plusieurs parties. La première partie où il faut d'abord déjà aller sur le terrain, collecter les insectes. Pour pouvoir étudier ces insectes, on ne peut pas les étudier directement dans la nature et les laisser dans la nature. On a besoin de les ramener, de les préparer, y accéder de façon répétitive pour pouvoir faire nos études. Ou parce que il y aura peut-être aussi d'autres manières d'envisager la recherche aussi dans des temps futurs. Et à ce moment-là, d'avoir les insectes en collection, ça permet de vérifier ce que j'ai déjà fait et de faire des études supplémentaires dans le futur. Dans les collections que vous êtes en train de regarder, il y a des spécimens qui sont bien plus vieux que l'époque où le moléculaire était connu. De les avoir en collection, ça a permis d'utiliser une nouvelle technologie et d'apporter une nouvelle lumière sur des connaissances sur ces groupes-là. Je vais vous emmener en typothèque qui est en gros le dessin des invertébrés fossiles. Allez-y. Donc tout l'accès est sécurisé. Donc je suis Olivier Bétou, je suis maître de conférence au muséum et donc je suis aussi chargé de collection et je m'occupe donc des insectes préservés dans la roche. Pour les événements très anciens, on n'a que le caillou. C'est quoi la grosse différence entre insectes dans l'ambre et fossiles? Ah bah les deux sont des fossiles. Ben ça, on appelle ça plutôt des empreintes, mais nos spécimens là, ils sont plats. Donc en gros, vous prenez votre tapette à mouche, tac, et votre fossile est à plat. De temps en temps, on a un peu de relief, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut plus du tout observer. Notamment les pièces génitales, qui sont vraiment très importantes pour l'identification. Quand vous avez de la chance, que vous avez beaucoup de spécimens, ils sont orientés un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Vous pouvez deviner un petit peu certaines choses, mais l'ambre, c'est presque trop facile. C'est parfait, vous le retournez. Alors, il y a quand même des difficultés avec l'ambre, qui est qu'il faut vraiment être expérimenté pour ajuster, et puis pour lire le bloc d'ambre qui contient le spécimen au plus près du spécimen. Mais les ambres très productifs, c'est du Crétacé. Donc ça nous informe sur les événements récents de l'évolution des insectes. Et voilà. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était une collection de l'âme. Et les pucerons que l'on monte sous la mélamelle pour pouvoir les étudier et les décrire, on va les ranger après dans ces boîtes-là. Donc si on regarde ici, on voit une toute petite tache, deux petites taches brunâtres. De millimètres, tout petit. Voilà, ça ce sont deux pucerons qui ont été montés sous la mélamelle, qui ont été certainement étudiés puisqu'ils ont été montés sous cette forme-là. Il faut savoir que ça demande plusieurs jours avant de monter, parce que les bains dans lesquels on va les faire passer pour les dégraisser, les colorer, ça demande plusieurs heures chaque fois. Il faut savoir qu'il y a à peu près 250 000 lames de pucerons dans nos collections. Les hémiptères, ça représente combien ? Autour de 80 000 espèces sont décrites pour les hémiptères, à peu près. Entre 80 000 et 100 000, actuellement. Mais on sait que chez les insectes, si on pense qu'on est vraiment très ignorant, on a décrit un insecte sur 10. Ce qui reste à faire, c'est énorme. Hein. Vous en avez autant ? Oui. Le Saint-Pétrum, là, la petite libellule. Saint-Pétrum sanguin. Grégoire Loïs, directeur adjoint de Viginature. C'est des toutes petites libellules assez courtes, qui sont plutôt actives en fin d'été, quoi. Et dans Paris, il y a deux espèces qui sont assez communes. Il y a le Saint-Pétrum sanguin avec les pattes toutes noires et le Saint-Pétrum striolatum, alors je sais pas comment on dit, strié en français peut-être, qui a des chaussettes à rayures jaunes et noires, mais dans le sens de la longueur. Et là, un mâle qui défend un petit peu son territoire. Il va revenir un peu tout le temps sur ce poste ou se mettre sur des trucs un peu où il surplombe. Et puis de temps en temps, s'il peut gauler en boucheron, ce sera son casse-croûte. Comment vous savez que c'est un mâle ? La couleur rouge. C'est un peu comme chez les oiseaux, chez les libellules, c'est les mâles qui sont très affêtés. Un tandem, regardez un accouplement. Là, il y a l'accouplement et en même temps, on voit des mouvements de basculement de l'abdomen de la femelle. Derrière, vous avez vu qu'elle n'était pas du tout de la même couleur. Et en fait, elle lâche des œufs. La reproduction chez les libellules, ça va être le mâle qui remplit une petite poche de son sperme, qui est située dans le premier segment après le thorax. Et puis ensuite, avec ses pinces anales, il va attraper la femelle derrière la tête. Donc ils vont voler en tandem, comme ça, la femelle va se replier et aller chercher ce que le mâle a mis de côté pour elle, en forme de cœur. Et ensuite, le mâle, il peut l'accompagner pendant la ponte. Ça dépend des espèces. Il y a des espèces, la femelle, elle va pondre toute seule. Mais là, le mâle, les Saint-Pétrum, il l'accompagne pendant la ponte. Enfin, il l'accompagne. Il la tient, pas le choix, quoi. Et donc, elle largue ses œufs un par un. Alors, il y a différentes stratégies de ponte chez les libellules. Il y a des libellules qui se perchent sur une tige et qui descendent sous l'eau pour aller pondre. Il y a des libellules qui insèrent leurs œufs dans l'écorce des arbres qui surplombent les zones humides. Et puis, il y a le Saint-Pétrum, lui, qui balance des œufs comme ça au petit bonheur. Elles sont en train de pondre, en fait. Hein. C'est pour ça qu'elle fait ce bruit. Mais ce qu'on entend comme de la pluie, là, c'est la ponte ? Oui, c'est ça, ouais. Fernand de Roussen, audio-naturaliste. Et puis on entend aussi des vibrations, là. Là, c'est des vols. Mais il y a aussi des mouches avec, alors. Ça, c'est le vrai vol de libellule. C'est vraiment les ailes qui crépitent. Comment vous avez fait pour enregistrer ça ? On va à la perche. L'acquisition du vol, c'est vrai que c'est perçu comme un événement fondamental. Vous échappez mieux aux prédateurs, vous avez accès à des ressources auxquelles vous n'aviez pas accès auparavant. Néanmoins, ça s'est passé à un moment où on n'a pas de fossiles. Olivier Bétou, paléo-entomologue au Muséum. Les premiers fossiles, on a un planeur et quelque chose qui fait du vol stationnaire. De mon point de vue, les informations les plus intéressantes qu'on ait sur l'origine du vol, elles viennent de l'actuel. Il y a un article qui a été fait au courant des années 2000 que je trouve vraiment génial. C'est un chercheur qui a étudié le comportement d'insectes qui n'ont pas d'ailes. On appelle ça des aptérygotes. Qui ressemblent un petit peu aux poissons d'argent. On appelle ça des archéognathes, mais poissons d'argent, donc dans la salle de bain, les petits machins qui filent dans les fissures, qui sont tout plats et qui ont des grands cercles à l'arrière. Donc il y a des animaux comme ça qui grimpent dans les arbres. Et puis quand ils font face à un prédateur, il saute. Et vous voyez le petit truc qui fait une boucle en tombant et qui se repose sur l'arbre. Et c'est juste un poisson d'argent, c'est tout plat, avec deux grands cercles et des antennes. Il n'y a pas d'ailes. Et la bestiole arrive à se diriger pour retomber sur l'arbre. En gros, les chercheurs, ils ont essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Ils ont pris des ciseaux, ils ont coupé les cercles. C'est les petites antennes qui sont à l'arrière du corps, forme d'antenne. Ils ont lâché la bestiole et là, la bestiole, bing, elle tombe direct au sol. Donc, rien qu'avec des cercles et des choses et un corps relativement aplati et en s'orientant correctement avec ses pattes, on appelle ça de la chute dirigée. Quand on regarde que l'actuel, c'est très tranché. Tu voles pas. Quand on étudie les fossiles, en fait, c'est un shade of grey, des niveaux de gris. On vole un peu, voilà, on fait une chute dirigée. Puis après, on arrive à faire un peu mieux, et voilà. Donc la chute dirigée, ça devait être le début. Quelle est la pression de sélection qui a fait qu'il y avait un avantage à se reposer sur l'arbre? C'est que si vous êtes habitué aux branches, vous tombez dans la litière au fond, vous y voyez plus rien du tout. Et si là, il y a une autre araignée qui vous attend, pour vous, c'est fini. Si vous êtes capable de retomber sur l'arbre, vous restez vivant, vous faites des descendants et ça va être sélectionné. Donc la question reste en fait posée de l'importance de l'acquisition du vol. Écoutez ça, c'est magnifique. Surtout si on se dit qu'en fait c'était peut-être des transitions assez douces de la chute, chute dirigée, vol plané, vol battu. Voilà, c'est simplement le vol d'un papillon de nuit, très amplifié. Nos microphones vont là où nos oreilles ne vont pas. Donc les insectes fossiles sont par ici. Et donc nous, là, on va regarder un petit peu des choses du paléozoïque. Donc là, on est parmi les insectes ailés les plus anciens connus. C'est dans les 300 millions d'années. Ils sont les plus anciens, vraiment, sont dans les 320. La grande majorité, ce sont des choses de gisement de commentrie qui a été très très productif. Il y a beaucoup de grands spécimens, donc on les voit assez bien. En fait, la Meganeura qui est en galerie, le plus grand insecte connu, c'est une libellule qui faisait dans les 70 cm d'envergure. Il a quand même pris 3 ou 4 coups de pioche avant que la personne voie qu'il y avait quelque chose. Cette récolte de grands spécimens, elle nous a amené à penser que tout était grand au carbonifère. En fait, ça fait 10 ans que je fouille aussi sur un gisement chinois qui est presque contemporain, et on trouve beaucoup de choses très petites aussi. Si un mineur qui récolte la Meganeura, qui était complète, hein, il y avait les deux paires d'ailes et probablement le corps. Il y met quand même plusieurs coups de pioche avant de remarquer le fossile. C'est que des choses qui font moins que le centimètre ont été ratées. Mais quand même, la qualité de préservation sur ce gisement-là, elle est vraiment très très spectaculaire. On va voir celui-ci. Une espèce qu'on appelle Sphecoptera brogniarti. Donc il est là. C'est très très beau. Ça appartient au grand groupe des Megasecoptères. Donc là, vous voyez deux ailes antérieures. Enfin, une aile antérieure, la deuxième, la postérieure. On devine le thorax qui était très gros, donc ce qui indique qu'il y avait beaucoup de muscles. La tête est manquante, on a un abdomen très très fin. Et puis ici, vous avez des cercles, donc c'est un petit peu comme des antennes à l'arrière du corps. Chez les actuels, ce sont les éphémères qui possèdent ça encore. Il y a une espèce d'élégance dans cette bestiole. C'est vraiment très beau. Les ailes sont pétiolées, donc ça veut dire qu'à la base, elles sont très étroites. On les appelle falquées, ça veut dire qu'elles ont un petit peu la forme d'une faux, mais très légèrement. Et le fait qu'elles soient pétiolées comme ça, on en a inféré que cet animal, il était capable de faire un vol très très lent. Parce que quand vous volez, quand vous faites battre votre aile, donc vous avez la phase descendante, votre main descend, et là vous générez de la portance. Puis ensuite vous relevez, et là ça se passe moins bien, parce que vous poussez dans l'autre sens, vous faites plus de portance. Cet animal dont on parle, Sphecoptera brogniarti, comme la base de l'aile est très étroite, elle peut faire une rotation le long de son axe. Vous faites vos faces remontantes, mais l'aile se retourne complètement et sa face dorsale génère de la portance. Donc cet animal, il génère de la portance pendant les deux cycles de battement de l'aile. Ça, ça permet de faire un vol lent, qui est en fait le plus difficile à faire, voire stationnaire. Anne Dosière. Alors là, on est dans le jardin des plantes, dans le jardin alpin, dans une zone où il y a vraiment reconstitution un peu des écosystèmes de montagne. Donc voilà, c'est assez calme, c'est en fait une partie du jardin où il y a assez peu de monde. On aime bien venir faire des pauses et se balader. Ouais. On s'agace dans les airs, on se poursuit, on se lutine. Lassé des ébats, tantôt l'un, tantôt l'autre des valseurs reprend pied sur les lilas et s'abreuve à l'amphore des fleurs. Tandis que la trompe plonge et suce au fond de l'étroit goulot, les ailes, en une molle oscillation, se dressent sur le dos, s'étalent de nouveau, se redressent. Là, on voit plein de petites abeilles microscopiques qui se baladent. Un peu dorées. Et ça, ce sont des abeilles, ça? Ouais. Alors, les toutes petites, là, qu'on voit... Ah, si je mets mon doigt, elles s'en vont. Mais vraiment, elles font 5 mm, quoi. Là, celle-là aussi, toutes métallisées. Et là, les petites, là, qu'on voit. Pour différencier facilement les... tout ce qui est abeilles, guêpes, des mouches, les choses qui sont faciles à reconnaître, c'est de regarder leurs yeux. Les yeux des mouches prennent quasiment tout l'espace de la tête, alors que les yeux des abeilles et des guêpes sont plutôt en forme de haricot sur le côté de la tête. Chez les abeilles et les guêpes, on va avoir des antennes qui sont très visibles, et chez les mouches, on va avoir des antennes qui sont quasi absentes. Et puis après, les abeilles et les guêpes ont 4 ailes, les mouches n'en ont que 2. Diptères et hyménoptères. Ça, vous ne le voyez pas, vous voyez pas tout si, ça là, on voyait si. Bien les antennes, là, par exemple, et on voyait bien les yeux. Il y a donc une tête de mouche, on voit pas les antennes. Oui, les gros yeux qui se touchent, comme les lunettes aviateurs de Ray-Ban. C'est ça, les yeux de mouche. Ça, c'est notre racine. A-N-T-H-R-A-C-I-L-E. Mais la naturophobie, la peur de la nature, effectivement, chez les insectes minuscules, les trucs qui se déplacent très très vite, qui volent, etc. On sait qu'il y en a qui piquent. Grégoire Loïs. Ils ont un peu le super CV d'un candidat à être effrayant, quoi, hein, et à contribuer à la naturophobie. Mais il y a probablement quelque chose d'assez occidental quand même là-dedans, parce qu'il semblerait qu'en Asie, la relation aux insectes, elle n'est pas la même, quoi. On n'a pas forcément peur, on ne considère pas que c'est quelque chose dont il faut se débarrasser à tout prix. Moi, mes parents sont d'une génération où la bombe insecticide, c'est à l'intérieur, hein. Et à contrario, mon fils qui a un peu plus d'une vingtaine d'années, il est d'une génération où ça, c'est hyper choquant pour lui. Hein. Alors moi je suis l'adjoint de Anne, ici présente, et je suis le directeur adjoint donc, de Viginature. Moi je suis Anne Dozière, donc je suis la directrice du programme Viginature. C'est un programme de sciences participatives, c'est-à-dire c'est des programmes de recherche où les scientifiques s'associent avec des citoyens. Donc on va demander... à tous, que ce soit les gens dans leur jardin, que ce soit les scolaires, que ce soit les agriculteurs, de contribuer à la recherche scientifique, d'aider les chercheurs du muséum en allant compter les oiseaux dans leur jardin, les papillons, les insectes pollinisateurs. Les gens, souvent, ils vont avoir envie que leur jardin soit plus accueillant pour la biodiversité, pour la faune. Et du coup, ils vont se mettre à laisser pousser des orties, laisser des zones en friche, ne plus utiliser de produits. Ils le disent eux-mêmes, ça marche. Et il y a effectivement des espèces qui reviennent, des espèces qu'ils n'avaient pas vues qui reviennent. Il y a encore du boulot, quoi. On a des exemples de participants là, qui nous disent « Moi, j'étais arachnophobe, j'avais très peur des insectes. » Et en fait, là, par un suivi à travers la photographie, je me suis mis à les regarder de gros, en gros plan, et je me suis rendu compte à quel point c'était beau, à quel point c'était varié, coloré. Ce fut une soirée mémorable. Je l'appellerai la soirée du grand pan. Qui ne connaît ce superbe papillon, le plus gros de l'Europe, vêtu de velours marron et cravaté de fourrure blanche. Les ailes, semé de gris et de brun, traversé d'un zigzag pâle et bordé de blanc enfumé, ont, au centre, une tache ronde, un grand œil à prunelles noires et iris variés, où se groupent en arc le noir, le blanc, le châtain, le rouge amarante. Non moins remarquable est la chenille, d'un jaune indécis. Or, le 6 mai, dans la matinée, une femelle quitte son cocon en ma présence sur la table de mon laboratoire aux bêtes. Je la cloître aussitôt, toute humide des moiteurs de l'éclosion, sous une cloche en toile métallique. D'ailleurs, de ma part, aucun projet particulier la concernant. Je l'incarcère par simple habitude d'observateur, toujours attentif à ce qui peut arriver. Bien mon prix. Vers les 9h du soir, la maisonnée se couchant, grand remue-ménage dans la chambre voisine de la mienne. À demi déshabillé, petit Paul va, vient, court, saute, trépigne, renverse les chaises comme affolé. Je l'entends m'appeler. Viens vite, viens voir ces papillons gros comme des oiseaux. La chambre en est pleine. Et là, c'est un morosphinx, un papillon, on est pas bien de papillon. Ceux qui ont une bouche, là, les papillons, non, c'est pas ceux-là. Ah, ils ont des grandes trompes, des très très longues trompes, et ils butinent sur le pollen, le nectar. Et les couleurs se conservent comme ça. Pour éviter une décoloration, il faut mieux maintenir les collections le plus dans le noir possible. Après, il y a des pigments qui résistent mieux que d'autres. Il y a certaines couleurs qui ne sont pas dues à des pigments, mais qui sont dues à la façon dont l'insecte réfracte la lumière. L'exemple le plus connu, ça va être les morphos chez les papillons, où ils ont cette espèce de couleur bleue magnifique sur les ailes. Et cette couleur n'est pas due à des pigments, mais est due à la façon dont les écailles qui sont disposées sur l'aile réfractent la lumière. Alors, si je voudrais quand même vous faire écouter vraiment l'écaille pudique, un papillon incroyable... Alors, j'ai essayé de vous trouver un insecte qui est intéressant à voir et qui intéresse souvent les visiteurs parce que c'est une bête qui vient d'Amérique du Sud et longtemps, on a dit qu'il avait la tête qui était lumineuse, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors ici, c'est cet énorme fulgoridé qui est le fulgore cacahuète. Il a une tête en forme de cacahuète. C'est un insecte qui vient d'Amérique du Sud. Et dans des écrits, on dit que la nuit, il est luminescent. En fait, jamais personne n'a vu qu'il était luminescent. Et en fait, ce qui a été, que l'on retrouve dans les écrits, c'est certainement provient de la première écriture d'un observateur qui avait fait un peu la fête avant d'aller se promener dans la forêt. Donc ça, alors là dans les collections, vous les voyez, elles sont rangées, toutes ces petites étiquettes bleues, ça vous indique le lieu de provenance. Le bleu c'est pour l'Afrique, le vert c'est pour l'Amérique du Sud, le jaune c'est pour ce qui est l'Asie, et tout ce qui est blanc c'est pour le paléarctique. Et puis vous avez ici des modèles qui sont un peu plus petits, qui sont des collections anciennes. On peut regarder, hein, bien sûr. Par curiosité. Vous avez ce qu'on appelle des collections dites nominales. On les appelle nominales parce qu'elles portent le nom de la personne qui les a données. Et lorsque on ouvre la boîte, les insectes ont été identifiés et rangés avec sur le fond de la boîte ces jolies étiquettes, toutes écrites à la main et très particulières. On le reconnaît tout de suite, la collection Falou, elle est, les caractéristiques avec ces étiquettes au fond de boîte. Alors, ce sont des collections qui sont importantes parce que elles sont riches de spécimens qui ont servi à la description de nouvelles espèces. Roridus fib. Fib, ça veut dire que c'est fibère qui a décrit la bête. Et obscurus, c'est le nom de l'espèce. Oliarus obscurus, ça va être le nom de genre suivi d'un épithète, plus le nom de l'auteur qui a décrit l'espèce, suivi de la date à laquelle il a décrit. Quand il y a une identification, on doit avoir le genre, l'espèce, l'auteur et la date. Et comme ça, vous avez le nom complet de la bête. Il doit y avoir des noms rigolos aussi. Oui, il y a quelques années, quand j'ai décrit un de mes premiers lophopides, avec mon collègue, lorsqu'on avait fait regarder la morphologie, on s'était aperçu qu'il y avait le bout de l'abdomen qui ressemblait à deux pieds de schtroumpf. Et en fait, on a appelé l'insecte Podoschtroumpha, pied de schtroumpf. Vous allez au travail avec plaisir, non? Ah oui, oui, oui, oui. Je me lève parce que je vais venir travailler ici et parce que ces insectes me passionnent parce que pour essayer de comprendre ces problèmes d'évolution, essayer de comprendre cette biodiversité et puis ces diversités de morphologie, ces diversités de comportement, c'est complètement différent de mon quotidien d'humain. Donc, ça présente chez certains insectes des capacités extraordinaires à être mimétiques pour complètement disparaître. Puis d'autres qui ressemblent, je vais vous montrer certains, ce sont des membres acides. On va les trouver ici, dans cette rangée. Pour certains, ils vont avoir des espèces de développement au-dessus de la tête, de leur thorax, qui va se développer dans des structures des fois complètement folles et qui va ressembler à des épines, à des petites boules, des sphères, toutes sortes de choses ou alors carrément des voilures. Dans certains cas, on s'est aperçu que ça leur servait pour se confondre dans la végétation. Alors si on tire ici par exemple une boîte, je vous en trouve un suffisamment grand pour pouvoir les voir. Là, c'est encore tout petit. il y a eu des changements morphologiques et qui fait que ça leur a donné sans doute un avantage par rapport à ceux qui n'avaient pas ces transformations, et ils sont passés plus inaperçus, ils se font moins manger. Ils restaient vivants, ils pouvaient se reproduire, alors que les autres, peut-être plus visibles, ont été capturés par le prédateur et mangés. La vie, c'est pas rose, en fait. Hein. La vraie vie, c'est... je veux pas être mangé, quoi. Ou je veux pas être tué, mais je cours pour ça. On est quand même une espèce privilégiée, où on a rarement à courir pour notre vie, quoi. Mais dans l'histoire de la vie, non, la vie, c'est méchant. Tout le monde se bat pour être vivant, quoi. Ça a mené à quelque chose qui est magnifique, cette diversité qu'on observe, cette richesse de... Mais ce qui est dessous... Enfin, quand l'évolution a inventé la douleur, elle a inventé un truc vachement utile. Parce que... Quand tu sais pas que t'as mal, que t'es en train d'être mangé, tu vas vite être pas sélectionné, hein. L'écaille pudique... Ça va passer une deuxième fois... Ça, c'est un papillon qui a développé un système de protection par le son. C'est-à-dire que c'est un papillon de nuit qui vole et donc qui est repéré par toutes les chauves-souris, les chiroptères, et qui a développé ce son comme un paravent acoustique. C'est-à-dire ce bruit brouille les écholocalisations des chauves-souris. Ce papillon peut se déplacer sans danger dans le paysage. Donc cet enregistrement a été fait à côté de Montpellier, dans le bassin méditerranéen. On a quelques papillons comme ça, et principalement les écailles qui émettent ces sons particuliers. Il y a un truc vraiment important, c'est que nous, le vol, on le fait en faisant tourner quelque chose. Une hélice, un avion, un hélicoptère. Mais ça, pour la vie, biologiquement, c'est impossible à faire. Il va pas y avoir des cellules qui se détacher du corps. Si vous les détachez du corps pour pouvoir tourner, elles vont mourir. La vie n'a pas inventé des axes qui peuvent tourner. La vie, elle fait du vol battu. A priori, c'est assez efficace en termes de dépenses d'énergie. Toutes les armées adoreraient avoir des petits véhicules volants à vol battu parce que ça consomme peu, c'est discret et vous les voyez pas. Pour l'instant, la seule difficulté, c'est la batterie, parce qu'elle est trop lourde. Alors la vie, elle est forte, elle a des mitochondries. Enfin, on parle quand même de 300 millions d'années d'évolution et de course en avant, donc c'est quand même de l'ingénierie très fine et très efficace. Hein. Donc il y a les mitochondries qui font de l'énergie, le vol battu, et ça fonctionne très bien. C'est compréhensible que nous, on mette du temps à le refaire, d'une autre façon. Donc oui, biomimétisme, mais ça reproduit pas la flexibilité de l'aile, parce qu'en fait, un insecte, il y a une différence fondamentale entre le vol des insectes et celui des vertébrés, donc des oiseaux, des chauves-souris, c'est qu'il n'y a pas de muscles dans l'aile des insectes. Les muscles sont à la base, et après, tout le système est pensé pour se plier au bon moment, avec de l'inertie qui entre en jeu. Par exemple, vous envoyez votre aile vers le bas, donc vous êtes dans la phase descendante du vol, et au bout de l'aile, il y a une inertie énorme. Donc quand vous arrêtez de la faire descendre, le bout de l'aile, lui, va continuer son mouvement vers le bas. Donc l'aile va se plier vers le bas. Ensuite, vous la redressez, et s'il y a un phénomène un petit peu élastique, elle va repartir dans l'autre sens. Je n'ai pas sous la main, mais je pourrais vous couper une aile fraîche de blatte, et si vous la relâchez, tac, elle se replie. Donc il y a une ingénierie très très fine, très pointue. Il n'y a vraiment pas de muscles Zéro. La seule capacité de certains insectes pour modifier un petit peu la rigidité de leurs ailes, c'est chez un groupe qu'on appelle les ambioptères. Les auditeurs ne vont pas les connaître. Mais en gros, il y a dans leurs ailes trois canaux dans lesquels ils peuvent faire une poussée d'hémolymphe, de leur sang, en gros. Donc ils poussent le sang à l'intérieur de ces canaux, ça rigidifie les ailes. En fait, ce sont des animaux qui vivent dans des espèces de petites tunnels de soie qu'ils fabriquent sous les cailloux, des choses comme ça. Et du coup, leurs ailes, au repos, elles sont très flexibles. Donc quand ils reculent dans leur tunnel, les ailes se replient un peu, enfin, ça les abîme pas. Par contre, quand il faut voler, clac, ils envoient le sang dans les ailes et ils s'envolent. Là, justement, je faisais de l'identification hier. Des boîtes, des filets à papillons, tout y est, quoi. Là, c'est en fait, cette liste toute barrée, c'est avec un étudiant, on essayait de faire ce qu'on appelle une clé d'identification, comme un questionnaire à choix multiples. Alors, est-ce que l'insecte porte une épine sur la patte postérieure ou porte pas d'épine sur la patte postérieure? Alors, vous regardez la patte postérieure de la bête et puis vous direz, ah ben non, il y en a une ou il y en a pas. Et ça veut, chacun va vous renvoyer un numéro différent, d'autres caractères qui petit à petit va vous amener à dire, eh ben, c'est cet insecte-là, c'est cette espèce, Et on a su que notre clé était complète, qu'on n'avait oublié personne une fois que tout le monde était barré. Pour beaucoup d'espèces, dans les groupes que j'étudie, la seule manière d'identifier une espèce d'une autre, c'est d'étudier les génitalia, les parties génitales du mâle. Donc c'est vraiment des caractères qui sont difficiles d'accès. Il va falloir préparer le spécimen, regarder tout ça sous une loupe binoculaire. Donc c'est pas facile. C'est les dernières parties qui ont pu évoluer qui fait qu'une espèce est distincte d'une autre, même si elles sont très proches. Il ne va pas pouvoir se reproduire avec la femelle d'une espèce qui est différente parce qu'il n'a pas l'équipement génital pour pouvoir se reproduire avec la femelle de l'autre espèce. Voilà, cette bête-là, avec une série d'épines sur... Ça, c'est des phallus avec des épines. Avec des épines, oui, tout à fait. Vous voyez le phallus ici, ici. Ils n'ont pas le même nombre d'épines. Ici, vous n'en avez qu'une seule et dessous, vous en avez un petit bouquet de trois. Pendant longtemps, on a associé les myriapodes, donc mille pattes, et insectes. Parce qu'ils possèdent des trachées pour respirer, ils ont des spiracles. Quand vous sortez de l'eau, votre gros problème, c'est que vous allez vous assécher. Notamment par votre respiration. Si vous avez des branchies, vos branchies sont en contact avec l'air, vous aspirez toute l'eau de votre corps, et c'est fini. Parce que l'air, en fait, est toujours en déficit hydrique. Donc ce que vous faites quand vous sortez de l'eau... Hop, vous enfermez vos systèmes respiratoires dans des organes internes et vous les fermez par des petits orifices que vous pouvez éventuellement fermer vous-même si vous voulez. Ben nous, c'est ce qu'on fait, on respire et on ferme. Donc, toutes ces morphologies qui sont liées en fait à un événement évolutif, vous sortez de l'eau, vous allez sur la terre ferme, et bien en fait, c'était convergent chez les myriapodes et les insectes. Donc, a priori, ces groupes sont apparentés. Sauf qu'en fait, ce sont les données... moléculaires, donc les séquences de gènes, et on les a utilisées pour reconstituer les liens de parenté, et on s'est rendu compte que non. C'est relativement récent cette hypothèse que les insectes sont en fait des crustacés, ils sont à l'intérieur des crustacés. C'est un peu comme les oiseaux à l'intérieur des dinosaures. Pareil pour la transition, la sortie de l'eau des insectes. Donnez-nous de l'argent pour former des paléoentomologistes, voilà. Donnez-nous des marteaux et on va essayer de trouver des gisements, mais pour l'instant on les a pas. Alors là, on n'est plus du tout... Dehors, on n'est plus du tout dans l'air. On est sous l'eau. Et en fait, c'est bien loin d'être le silence sous l'eau. Voilà, c'est une vraie cigale, c'est incroyable. Hein. Et en fait, c'est une punaise aquatique. Hein. Là, on utilise ce qu'on appelle des hydrophones. Le son se déplace à 4,7 fois plus vite sous l'eau que dans l'air. Donc il est très très difficile de trouver la source sonore d'un animal parce que ça va très très vite. Et ces prises de son là, donc d'insectes, sont faites de très très près, à 3-4 cm. Mais là actuellement on est encore dans un état de recherche fondamentale car il y a très peu de temps qu'on a commencé à écouter les rivières, à écouter les lacs et à écouter l'eau douce. On s'est très vite aperçu que sous l'eau il y avait une difficulté supplémentaire, c'est que les plantes respiraient. Notamment le myriophyllium émet beaucoup d'oxygène, donc des bulles. Il y a plein de rythmiques sous l'eau qui sont dues aux plantes et non pas au monde animal. C'est un peu le bruit du feuillage dans nos forêts, en fait. Par contre, quand vous entendez cette rythmique-là... Voilà, qui est double, et toc qui s'arrête et qui remet un gratte-gratte. Là, c'est animal. On comprend qu'il y a derrière une conscience qui émet ces sons. C'était « Des insectes et des hommes », une émission de Juliette Boutillier et Jean-Philippe Navarre. Mixage Benjamin Vignal, prise de son en Belgique Christophe Papon. Les textes sont lus par Laurence Vielle. Merci à tous les passionnés et au service de presse du Muséum d'Histoire Naturelle, Samia Ramdan, Marine Didier, Blandine Priour, Flore Goldhaber. Merci à Margot Joris pour la traduction de Yann Fabre. Et merci à la grande famille de la tribu des entomologistes et aux autres insectophiles. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans la garrigue, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bona Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France. Et pour se parler, Twitter et même Instagram, on sera ravis de répondre à vos questions. Demain,